les harangues, libérez les harangues, libérez les harangues, libérez les harangues, libérez les harangues, libérez les harangues. Thank you. Good. Glasgow Good. Glasgow Good. Glasgow Good. Glasgow Good. Tu t'es dedans.